Chapitre 19e. Triste vision. M. Dare avait confié la défense de son fils Herbert à un avocat de Helstonleigh, nommé M. Winter, qui, plus vivement qu'aucun autre, insista auprès de l'accusé sur la nécessité de déclarer, s'il le pouvait, où il s'était trouvé la nuit de l'assassinat. Il prévoyait clairement que si son client persistait dans son silence, il courait le plus grand risque d'être condamné. Il ne peut rien obtenir. Herbert fut sourd à ses questions comme à celles des autres. En vain, M. Winter lui montra les conséquences de son refus, en lui faisant d'abord des allusions délicates, puis en lui parlant peu à peu en termes clairs et précis. Il aurait pu tout aussi bien s'adresser au mur de la prison. Herbert affirmait, de la manière la plus positive, qu'il avait été hors de la maison entre 11h30 et 2h du matin, et ne variait jamais dans ses déclarations. M. Winter était dans la plus grande perplexité. Les assertions du prisonnier étaient toutes identiques. Elles portaient toutes le cachet de la vérité, si bien que M. Winter ne pouvait que le croire. Mais d'un autre côté, l'habile avocat avait déjà eu affaire à bien des criminels. Il savait ce que valaient la plupart de leurs affirmations. Au fond du cœur, il raisonnait à la manière du sergent Elves. Si Herbert avait été absent, il ferait connaître où il était pour échapper à la potence. C'est ce qu'il fit comprendre au prisonnier. Herbert prit la chose très froidement. Il ne croyait pas que sa vie fût réellement en danger. « On ne me trouvera jamais coupable, » se disait-il. « Pouvez-vous me dire où vous étiez ?» lui demanda brusquement M. Winter, un matin que je tirais à sa fin. « Je le pourrais si je le voulais, » répondit Herbert. « Je suppose que vous voulez me prendre en défaut, Winter, mais vous n'y réussirez pas. Je pourrais montrer à tout Helstonleigh où j'étais cette nuit-là, mais je ne le veux pas, j'ai mes raisons pour cela. » « Alors vous en subirez les conséquences. » Le fait même qu'il n'y a que vous que l'on puisse soupçonner vous fera condamner certainement. Vous deviez être avocat. Vous devez voir cela aussi clairement que moi. Le point qui m'embarrasse, ajouta Herbert, c'est précisément quel peut être l'auteur du crime. Je donnerai bien la moitié de ce qui me reste de vie pour le savoir. M. Winter se disait qu'en jugé par les apparences, tout ce qui lui restait de vie n'aurait pas été de trop, mais il ne l'exprimait pas. « Quelle répugnance si grande avez-vous donc à parler » demanda-t-il. « Vous m'avez fait 50 fois la même question et vous avez toujours obtenu la même réponse. Je ne le veux pas. Je suppose que vous ne commettiez pas un assassinat dans une autre partie de la ville. Je suppose que non, » répondit tranquillement Herbert. « Dans ce cas, il n'y a pas un seul crime interdit par le décalogue que j'hésitasse à confesser pour sauver ma tête. Si je forçais une banque ou que je misse le feu à une église, je l'avouerais. » plutôt que d'être pendu. Mais je ne faisais ni l'un ni l'autre. Raison de plus pour ne pas persister à garder un tel mystère. Cela, c'est mon affaire. Non, ce n'est pas votre affaire, objecta M. Winter. Vous affirmez que vous êtes innocent. Je n'affirme que la vérité, interrompit Herbert. Bien. Alors, si vous êtes innocent et que vous puissiez le prouver, vous devez à votre famille de le faire. Un homme se doit à sa famille. Il se doit à ses parents. Son respect pour eux doit dépasser son respect pour lui-même. Si vous pouvez prouver votre innocence, ce serait manquer au vôtre que de vous obstiner dans votre silence. Tant pis, j'ai mes raisons pour ne pas parler et je ne parlerai pas. Vous en supporterez la peine. Je la supporterai, répliqua le prisonnier. Mais autre chose est de parler, autre chose est d'agir. Plus d'un homme courageux et prêt à mourir en théorie a vu le cœur lui manquer au moment de l'exécution. Herbert Dare n'était pas doué d'une force surhumaine. Quand le mois de juillet fut arrivé et que l'on put compter les heures qui se passeraient avant l'ouverture de la cour d'assises, sa fermeté commença à fléchir. Il passa la nuit à se tourner sur sa misérable couche, croyant voir se dresser certains appareils sombres érigés tout exprès pour lui dans la cour de la prison par un beau samedi matin, et sur lequel il devait figurer fort peu à son avantage. Il se leva fatigué. Cette vision n'avait rien de rassurant. Herbert se souvenait que lorsqu'il était encore au collège, le drame du samedi matin avait été exécuté souvent à la grande édification de la ville et des villageois venus pour le marché du jour. Les collégiens avaient un jour décidé qu'ils assisteraient, si possible, à ce spectacle qui avait invariablement lieu de 8 à 9 heures. La difficulté, pour eux, consistait à arriver à temps, car ce n'était que lorsque le dernier coup de cloche avait sonné qu'on les laissait quitter la classe. Ils avaient calculé le temps qu'il leur faudrait pour aller du collège à la prison, en passant par les rues détournées, en courant de toutes leurs forces, en renversant tout obstacle, homme, animal ou chose. qui se trouverait malencontreusement sur leur passage, ils pourraient y arriver en 4 minutes. 4 minutes, c'était peu, mais c'était trop si le rideau se baissait à 9 heures précises. Autant balayer à leur arrivée 40 minutes après l'heure. Toutefois, les collégiens de Helstonleigh surent se rendre assez bien maîtres des difficultés. Demander au principal de les laisser sortir 5 ou 10 minutes avant l'heure eût été parfaitement inutile. Peut-être n'y aurait-il consenti en aucun temps, mais assurément pas ce matin-là. L'école ne pouvait pas non plus se trouver attaquée tout entière, à la fois d'une colique violente nécessitant un renvoi immédiat. Ils décidèrent donc de s'adresser aux marguilliers, qui avaient sous ses soins l'horloge de la cathédrale. Par leurs prières, leurs flatteries et leurs pièces de monnaie, ils forcèrent le digne fonctionnaire à faire avancer sa pendule de 8 minutes pour ce jour-là. Et 8 minutes avant 9 heures, la cloche de la cathédrale frappa 9 coups. Mais au lieu de lever le doigt pour donner le signal du départ, le professeur ne bougea pas. Il resta assis jusqu'à ce que les 8 minutes se fussent écoulées et que les autres cloches eurent sonné. Il resta 4 minutes de plus, puis il fit signe au garçon qu'il pouvait s'en aller. Les 12 minutes leur avaient paru 12 heures. Le professeur avait-il eu vent de ce qui devait se passer ou, par une coïncidence étrange, avait-il oublié réellement l'heure? Ils ne le surent jamais. Le marguillier jura qu'il n'en avait parlé à âme qui vive. Toujours était-il qu'ils eurent beau courir, passer par les rues les plus directes et arriver en moins de 4 minutes, ils virent que la prison grise est nue. Non seulement l'acteur principal, mais aussi le triste et vilain appareil dont Herbert avait rêvé avait disparu. Ce dernier objet, à défaut du grand spectacle, eut offert quelques compensations. Les collégiens, déçus dans leur attente, poussèrent 3 hurlements que les murs de la cathédrale entendirent résonner. Hurlements non à l'adresse du malheureux mortel à l'abri des bruits humains, ni des officiers de la prison un peu trop prompts dans leur expédition du matin, mais bien du respectueux personnage qui portait le titre de principal du collège. Herbert se souvenait distinctement de cette scène. Lui-même avait fait partie de la députation envoyée au marguillier. C'étaient ses paroles et ses pièces d'argent persuasives qui avaient fait céder le digne homme. Les collégiens se hâteraient-ils également de venir s'il... En dépit de son courage, il frissonna à cette pensée, et appelant le joaillier, il le chargea d'un message pour M. Winter. Était-ce le souvenir de ce que ses anciens camarades penseraient de lui qui effectuait ce qu'aucune autre considération n'avait pu obtenir? Toutes les facilités compatibles avec son emprisonnement étaient accordées à Herbert. Jamais, peut-être prévenu, n'avait joui d'autant de liberté. Le gouverneur de la prison et M. Dare avaient été très liés. M. Dare et ses fils aînés, en qualité d'avocat, y étaient souvent allés causer avec les prisonniers, et les geôliers en avaient bien des fois ouvert les portes à Herbert, comme ce jour-là M. Winter. Le message fut donc transmis aussitôt à M. Winter, qui se hâta de se rendre à la prison. « Je me suis décidé à parler, » lui dit Herbert, lorsqu'il entra en guise de salutation. « Voilà une résolution bien raisonnable, » dit l'avocat. Cependant, la crainte que le prisonnier ne lui fît quelque compte lui traversa l'esprit. Comme M. Delves, M. Winter en était arrivé à la ferme persuasion qu'Herbert n'avait rien à dire. « Eh bien, parlez, » ajouta-t-il. « C'est conditionnellement que je vais parler, » expliqua le prisonnier. « Il est inutile que je vous avoue que j'étais à tel ou tel endroit si je ne vous en fournis pas la preuve. Parfaitement inutile. » « Eh bien, il y a des témoins qui pourraient vous donner des preuves, mais y consentiront-ils? Quel motif, quelle excuse pourraient-ils alléguer pour refuser quand la vie d'une personne est en péril? Quel est l'homme assez dénué d'humanité pour ne pas sauver son prochain s'il le peut? Les circonstances changent les cas, » répondit sèchement Herbert. « Est-ce la crainte de savoir si ces personnes voudraient rendre témoignage qui vous fait hésiter à les nommer ?» demanda M. Winter d'un ton assez mécontent. « Pas du tout. Je prévoyais une difficulté qui subsiste. Winter, vous me regardez d'un air de doute. Il n'y a pas lieu de douter de ce que je vais vous dire, comme vous le verrez. « Eh bien, allons, » fit l'avocat, car Herbert s'était arrêté. « Asseyez-vous, je vais commencer. Pourtant, rappelez-vous que c'est une confidence qui n'est pas faite pour les oreilles de Helstonleigh, et vous comprendrez la nécessité de mon silence quand vous m'aurez entendu. »